vient toujours trop tôt. Le temps de se quitter, lorsqu'on a bien dansé tout le long de l'été, dans le village en fleurs, tous les bruits se sont tus, et comme un court sanglot, les volets se sont clos. Sur des maisons fermées, pour une longue année, aux prises par la vie, tu vas bien m'oublier. Quand l'été est fini, reste une chanson pour calmer nos passions et nous faire rêver. À ces amours passés qu'on ne peut oublier, car ils nous ont marqué, à nos cœurs exaltés. Avoir frôlé ton sein en passant près de toi, ton sourire complice qui me dit de rester, la chaleur de ton corps qui me trouble soudain, tes doigts entre les miens venus s'entrelacer, rose éclose du matin, ou bien fleur du destin, c'est un amour nouveau qui vient nous enlacer. Quand l'été est fini, reste une chanson pour calmer nos passions et nous faire rêver. À ces amours passés qu'on ne peut oublier, car ils nous ont marqué, à nos âmes troublées. Alors il vient l'automne et ses douces couleurs qui mettent en nos cœurs une étrange langueur. Halte à la frénésie de nos amours d'été, de la jolie tonnelle où tu aimais planer. Les feuilles ont bien jauni et j'ai eu peur aussi que notre tendre amour ne soit un jour terni. Quand l'été est fini, reste une chanson pour calmer nos passions et nous faire rêver. À ces amours passés qu'on ne peut oublier, car ils nous ont marqué, à nos jardins secrets. Je me languis de toi et je rêve souvent à cette nuit d'été où nos corps embrasés irrésistiblement d'amour se sont liés. Soudain l'hiver est là, les lueurs du feu, je vois briller tes yeux qui se moquent de moi, et les éclats du bois du rire sont tes éclats.